La comtesse fit généreusement des observations à Madame Vauquer sur sa mise, qui n'était pas en harmonie avec ses prétentions. « Il faut vous mettre sur le pied de guerre, lui dit-elle. » Après bien des calculs, les deux veuves allèrent ensemble au palais royal, où elles achetèrent, aux galeries de bois, un chapeau à plumes et un bonnet. La comtesse entraîna son amie au magasin de la petite Jeannette, où elles choisirent une robe et une écharpe. Quand ces munitions furent employées et que la veuve fut sous les armes, elle ressembla parfaitement à l'enseigne du bœuf à la mode. Néanmoins, elle se trouva si changée à son avantage qu'elle se crut l'obligée de la comtesse et, quoique peu donnante, elle la pria d'accepter un chapeau de 20 francs. Elle comptait, à la vérité, lui demander le service de sonder Goriot et de la faire valoir auprès de lui. Madame de Lambert-Ménil se prêta fort amicalement à ce manège et cerna le vieux vermicellier avec lequel elle réussit à avoir une conférence. Mais, après l'avoir trouvé pudibond, pour ne pas dire réfractaire, aux tentatives que lui suggéra son désir particulier de le séduire pour son propre compte, elle sortit révoltée de sa grossièreté. « Mon ange, dit-elle à sa chère amie, vous ne tirez rien de cet homme-là. Il est ridiculement défiant. C'est un grippe-sou, une bête, un sot, qui ne vous causera que du désagrément. » Il y eut, entre M. Goriot et Mme de Lambert-Ménil, des choses telles que la comtesse ne voulut même plus se trouver avec lui. Le lendemain, elle partit, en oubliant de payer 6 mois de pension et en laissant une défroque prisée 5 francs.